Amis auditeurs de Radioactive, bonsoir et bienvenue dans cette 117e émission de Osez Jazz à tous les étages, saison 5, épisode 10. Toujours un bonheur de se retrouver avec cette soirée spéciale entre jazz et groove. D'abord avec cette émission et puis ensuite jusqu'à 23h, une sélection musicale concoctée par mes soins pour vous aider à passer une fin de soirée encore bien groovy en notre compagnie. Je suis toujours assisté de Vincent à la technique et on va tous ensemble continuer à explorer un petit peu l'actualité musicale qui est encore très riche à cette période. On sent que les fêtes de Noël approchent et que les maisons de disques sortent de plus en plus de cartouches pour mettre des petits disques sous le sapin. Voilà, et puis pour accompagner aussi pas mal de tournées, de concerts, on en parlera aussi tout à l'heure. Le générique, c'était bien sûr toujours Bacchus de Nicolas Gardel et Leanne Bangers qui nous accompagnent depuis 5 ans maintenant. Et puis, puisqu'on a pris l'habitude depuis 5 ans de le faire, eh bien on commence par notre rubrique générique avec une petite pépite assez courte. Alors profitez-en parce que ça va pas durer très très longtemps. C'est une émission unique qui a eu lieu le 29 avril 1961. Voilà, j'avais un mois personnellement jour pour jour à cette date-là, et donc sur la télévision française qui ne comptait alors qu'une seule chaîne, n'est-ce pas, eh bien il y avait cette soirée organisée et réalisé par Jean-Christophe Averty qui s'appelait Modern Jazz au Blue Note. Alors le Blue Note, c'était un club parisien à l'époque qui, je pense, n'existe plus malheureusement depuis. Et donc il y avait une émission spéciale dans laquelle pas mal d'artistes avaient été invités. Et en guise de générique, il n'y avait pas vraiment de générique. En fait, on a demandé au batteur Daniel Humer d'improviser un petit solo de batterie comme ça pour lancer l'émission. Alors comme ça a effrayé un petit peu les gens, notamment le présentateur de l'émission qui s'appelait Raymond Mouly, je sais pas ce qu'il a fait d'autre, je connaissais pas son nom, mais voilà, il a quand même tenu à préciser qu'il ne fallait pas que les gens se fassent de nouveaux ennemis à la musique de jazz, et donc qu'il était préférable de réduire un petit peu le son de la télévision afin que les voisins ne soient pas gênés par le bruit de la musique de jazz. Franchement, moi je vous dirais plutôt un truc à l'inverse. Allez-y, montez le son, qu'on puisse faire déguster le jazz aussi aux voisins de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc voilà, c'était une autre époque, on va dire, un petit peu plus coincée entre guillemets, et donc cette émission, c'est aussi une manière, puisqu'on va commencer avec ce petit morceau de batterie qui fait même pas 2 minutes, de rendre hommage à un grand monsieur du jazz, le batteur Jack DeJohnette, qui est décédé ces jours-ci. Et voilà, il y aura plusieurs petits clins d'œil au fil de l'émission à Jack DeJohnette. J'avais pas prévu au départ de faire quoi que ce soit, mais il se trouve que dans la sélection que j'avais, il y avait plusieurs choses qui pouvaient faire penser à lui ou dans lesquelles il jouait. Donc voilà, j'ai recompilé un petit peu tout ça pour faire une émission dans laquelle la batterie sera assez présente. Il y a un autre grand artiste aussi du jazz qui est décédé cette semaine dernière, c'est Anthony Jackson, un très très grand bassiste aussi. On y reviendra, mais je voulais pas faire que une émission hommage comme ça, ça aurait fait un petit peu lourd. Donc voilà, c'est un petit peu une émission clin d'œil à la batterie et à ce Jack DeJohnette qui a eu une importance assez considérable dans le monde du jazz, qui avait commencé avec Charles Lloyd, qui a continué avec Keith Jarrett, qui a été batteur aussi avec des gens comme Pat Metheny, avec plein d'autres artistes. Mais enfin, c'est surtout avec Keith Jarrett qu'il a connu la consécration. Il a joué avec Miles Davis aussi. Enfin bon, bref, un grand batteur qui nous a quittés. Et donc, en clin d'œil, en hommage, on va commencer donc avec ce petit générique de cette émission Modern Jazz au Blue Note en 1961. C'est donc Daniel Humer qui improvise un petit solo de batterie comme ça pour lancer l'émission. Thank you. Et voilà, c'était donc le générique de cette émission du 29 avril 1961. L'émission s'appelait Modern Jazz au Blue Note, dans le petit club de Blue Note à Paris. Et c'est donc Daniel Muère qui a improvisé un solo de batterie pour lancer l'émission à la demande de Raymond Mouly, le présentateur. Voilà, un petit document sympa. Ça se trouve, si vous voulez voir les images, ça se trouve sur YouTube, sans difficulté. Et donc, bien belle entrée en matière. Donc, avant de passer donc ici au coup de cœur parmi les nouveautés qui sortent, donc comme je vous le disais en début d'émission, qui sortent vraiment à plein jet en ce moment, avec des découvertes, notamment ce garçon Tom Ollendorf, un guitariste originaire de Scandinavie et qui a déjà deux albums à son actif, un premier qui était sorti en 2021 qui s'appelait A Song for You, puis un autre qui s'appelait Open House en 2023, et le revoici en 2025 avec cet album qui s'appelle Where in the World. Et en plus de son trio habituel, puisqu'il joue depuis toujours quasiment avec Connor Chaplin à la basse et James Madron à la batterie, eh bien il s'est adjoint en plus la présence d'un excellent pianiste, monsieur Aaron Parks. Alors si vous vous souvenez bien, eh bien on a fait le nouvel album d'Aaron Parks avec son propre groupe en coup de cœur la semaine dernière, et ben voilà, on continue avec Aaron Parks qui vient donc jouer du piano et apporter un petit peu sa contribution à cet album de Ollendorf en y apportant voilà un petit peu plus de peut-être de musicalité. Non pas que Tom Ollendorf n'ait pas de musicalité, parce que c'est un guitariste très très fin, beaucoup de déliés, beaucoup de velouté dans son jeu. C'est un petit peu un héritier de gens comme Pat Metheny notamment, ou Gilad Exelman. Voilà, on retrouve un petit peu ce style à la fois classique, très très souple, très très fin. Et Aaron Parks vient apporter un petit contrepoint au piano là-dessus, en plus de la rythmique qui les accompagnait. Je vous ai sélectionné un morceau qui s'appelle Past Lives, qui figure sur l'album en version studio, mais dont j'ai trouvé ici une version enregistrée live en studio pour une émission de radio de jazz scandinave. Donc voilà une version de ce morceau Past Lives, enregistrée live en studio. Sur cet album donc qui s'appelle Where in the World, qui vient juste de sortir, c'est Tom Ollendorf. Thank you. petit peu de douceur pour démarrer cette émission avec Past Lives, une version live en studio de ce morceau qui figure dans sa version studio complète dans l'album de Tom Ohlendorf, Where in the World, et au piano on retrouvait Aaron Parks, Connor Chaplin à la basse, James Madden à la batterie et donc Tom Ohlendorf à la guitare. Voilà, très, très cool, très délié, mais superbement musical. Deuxième coup de cœur de cette émission, Kenny Barron qui vient de fêter ses 82 ans, un homme qui a déjà une carrière absolument monumentale derrière lui, qu'on ne présente plus, qui a joué avec tous les grands et qui a une discographie longue comme les deux bras, on va dire, voire même les deux jambes en plus réunies, et avec son trio habituel de Kiyoshi Kitagawa à la basse et Jonathan Blake aux percussions. Jonathan Blake qu'on retrouvera sur la scène du Petit Faucheux jeudi prochain, 13 novembre, en compagnie de Chris Davis d'ailleurs. Voilà, donc encore un grand batteur, lui aussi certainement héritier, comme je le disais tout à l'heure, de Jack DeJohnette, qui vient de nous quitter. Donc ce trio ici est accompagné peu exceptionnellement, par des chanteurs. L'album de Kenny Barron, en effet, s'appelle Songbook, son nouvel album. Et donc, il y a invité tout un tas de gens à venir chanter sur des pièces qu'il accompagne de son jeu de piano, toujours très subtil, très fin. On va rester dans le côté un peu douceur, un petit peu travail sur l'arrangement, comment placer son piano par rapport à la voix, et vice-versa, et comment le reste du trio vient juste mettre en valeur la voix du chanteur ou de la chanteuse. Donc il y a beaucoup de beau monde dans cet album. Il y a Kavita Shah qui est là, une New-Yorkaise qui a déjà une petite carrière derrière elle, Ekep Nkwele qui est là aussi, chanteur américain, et c'est vraiment une très très belle voix qu'on avait eu en coup de cœur il y a à peu près un an. Je me souviens plus par contre du titre de l'album, il faudrait que je fasse des recherches parce que c'était vraiment vraiment très très intéressant. Et puis Tyrik McDowell qu'on a fait en coup de cœur en début de saison ici avec son nouvel album, et qui est un jeune chanteur un petit peu dans cette lignée des néo-crooners américains, vraiment très intéressant, ayant intégré aussi jazz, soul, et dans leur voix une belle voix chaude, un petit peu la Gregory Porter, qui fait une reprise de Marie Laveau, un vieux titre qui avait été notamment popularisé par Dr. John, qui était vraiment, vraiment superbe, et un autre morceau qui s'appelle Calypso, on retrouve un peu l'esprit là, de Harry Belafonte. Enfin, bon, bref, vrai, un très très bel album, mais il y a d'autres invités aussi sur cet album. Cécile McLaurin-Salvant, dont le nouvel album Oh Snap vient de sortir, on avait fait un coup de cœur là-dessus au mois de septembre. Eh bien, elle est aussi sur cet album-là. Il y a Catherine Russell, la chanteuse de rhythm and blues soul, qui est également présente. Et puis, eh bien, un de mes chouchous, une de mes voix préférées dans le jazz actuellement, c'est Kurt Elling, dont on a fait le nouvel album en coup de cœur aussi il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça, c'est un petit peu une grande famille. J'ai l'impression de jamais sortir vraiment de la famille avec tous ces gens-là. Donc cet album de Kenny Barron célèbre ses 82 ans, mais aussi, voilà, il souhaitait mettre en valeur des chanteurs pour changer un petit peu de ses albums instrumentaux en trio ou en quatuor parfois. Donc voilà une belle manière de fêter son anniversaire en mettant un petit peu le pied à l'étrier à des gens qui, bon, pour certains n'en ont pas besoin, mais qui pour d'autres, voilà, prennent un malin plaisir, je dirais, à travailler avec ce merveilleux pianiste et sur la carte de visite desquels ça fera un petit peu de présence passionnante, on va dire. Voilà, donc le morceau de Kenny Barron où il est accompagné de notre ami Kurt Elling, eh bien il s'appelle tout simplement In the Slow Lane, dans la file pour les voitures lentes, on va dire, et je vous laisse en leur compagnie parce que c'est vraiment du petit bonheur. C'était In the Slow Lane, Kenny Barron, en compagnie donc de Kiyoshi Kitagawa à la basse, Jonathan Blake aux percussions, et la voix de Kurt Elling, qui embellissait ce morceau. Vraiment une belle réussite, extrait de cet album Songbook, dans lequel donc Kenny Barron est accompagné tout du long par différentes chanteuses et chanteurs. Un bel album célébrant ses 82 ans. Dont facilement 65 de carrière, quoi, on va dire. Voilà, un autre artiste qui a déjà aussi de la bouteille, c'est David McMurray, qui revient avec un nouvel album qui s'appelle I Love Life Even When I'm Hurting, J'aime la vie même quand je souffre, qu'on pourrait traduire en français ainsi. David McMurray, on l'avait laissé il y a 2 ans à peu près, avec un coup de cœur sur son album précédent, qui était un album d'hommage au Grateful Dead. Donc voilà, un garçon qui touche un petit peu à tout, qui a beaucoup travaillé avec des gens de la pop et du rock aux États-Unis, mais aussi énormément dans le jazz. Superbe saxophoniste, vraiment une belle carrière derrière lui. Dans ce nouvel album, en fait, il fait un petit peu le point aussi sur sa carrière. Alors, on y retrouve des morceaux d'inspiration un peu soul, un peu funk, un peu afro, un peu hard bop. Il y a un petit peu de tout dedans, mais voilà, c'est aussi une célébration de la vie. Il se sent un petit peu vieillissant, David McMurray, et il a voulu faire en sorte que cet album soit une ode à la vie, quoi, son expression de remerciement à une vie qui, si elle n'a pas toujours été tendre avec lui, lui a quand même permis de mener une très très belle carrière. Aujourd'hui, il est toujours chez Blue Note depuis 2-3 albums, et ce nouvel album là, une belle diversité. On va en écouter un extrait qui s'appelle The Jungle Years, et vous allez voir, ça dépote joyeusement. Donc David McMurray, The Jungle Years. We'll be right back. David McMurray, I Love Life When I'm Hurting, c'est le titre de son nouvel album et le morceau s'appelait The Jungle Ears, un petit côté un peu tropical, un petit peu afrobeat aussi par moment. Faut dire qu'il est originaire de Detroit, la grande ville américaine de l'automobile, là où toutes les grandes marques automobiles fabriquaient leurs voitures dans les années 40, 50, 60, 70. Et qui a eu bien sûr beaucoup d'immigration, beaucoup d'ouvriers qui venaient un petit peu de tous les pays du monde pour venir travailler sur les chaînes automobiles. Et du coup, ça a créé une ville très cosmopolite, avec une richesse culturelle extraordinaire. Et c'est de ça qui nourrit aussi tous ces artistes qui sont venus de là-bas. Il y a, en dehors de David McMurray, il y a aussi Youssef Latif, il y a aussi James Carter, Kenny Garrett, donc pas mal de saxophonistes qui sont originaires de Detroit. On l'a vu aussi dans l'histoire du rock, beaucoup de groupes qui venaient de là-bas. Et il faut dire aussi que Dave McMurray a rencontré à Detroit aussi le chef, aujourd'hui le patron de Blue Note, Don Was, à l'époque. Et il avait même intégré le groupe qu'avait Don Was à l'époque, parce qu'il était musicien. Le groupe, le célèbre groupe New Was Not Was, qui mélangeait un petit peu les influences, pareil, entre jazz, funk, new wave... à l'époque, c'était dans les années 80, c'était assez étonnant, soul aussi, et donc ils se sont retrouvés plus tard comme ça, et Don Was a tenu à engager McMurray sur le label Blue Note, qu'il dirige depuis quelques années, parce que voilà, ils avaient une histoire en commun, c'est une belle histoire de fidélité entre deux natifs de Detroit. Voilà pour ce qu'on pouvait dire de cet album de Dave McMurray, que je vous recommande chaudement, comme tous les autres d'ailleurs, mais voilà. Celui-ci vient juste de sortir. On va passer maintenant au coup de cœur suivant avec un pianiste italien, Antonio Falao, qui a déjà lui aussi une belle carrière derrière lui et qui sort un nouvel album entièrement solo. C'est la première fois qu'il fait ça. L'album s'appelle Kind of Solo Piano. Et voilà, c'est un album dans lequel il se penche un petit peu sur l'art du piano, sur la façon de mettre en scène des morceaux avec seulement un piano. Alors Antonio Falao, il a un jeu de piano assez dynamique, hein. c'est pas de la musique de chambre au piano, ça, il y a quand même une rythmique très présente dans son jeu qu'il doit à toute cette expérience engrangée auprès d'autres, hein, puisqu'il a travaillé beaucoup en trio avec John Patitucci, Gene Jackson, avec Jeff Ballard, avec Daniel Humer, qu'on entendait au début de l'émission, et Miroslav Vitus, avec Dominique Di Piazza, André Checarli. Il a aussi joué avec Beryl Green, avec Didier Lockwood, avec Eddie Gomez, avec Lenny White, et aussi au sein d'un petit groupe qui s'appelle ASTA, qui est l'acronyme en fait des prénoms de ces différents musiciens. Donc il y a A pour Antonio Falao, S pour Sylvain Boeuf, T pour Thomas Bramery et A pour André Ceccarelli. Donc ASTA, c'était un groupe de ces quatre musiciens qui ont réussi à faire deux très très beaux albums, dont le deuxième d'ailleurs avait été coup de cœur. Il doit y avoir à peu près 2 ans aussi dans cette émission. Donc vraiment une belle carrière derrière lui déjà, et puis une volonté voilà de se renouveler avec ce nouvel album. Alors il n'y a pas d'extrait encore complet de cet album sorti, donc je vous ai choisi en fait comme morceau un morceau qu'il a fait pour présenter cet album. Donc c'est un making of de Kind of Solo Piano. Vous verrez, il y a à l'intérieur de ce making of, il y a quelques petites bribes d'interview que l'on entend en italien. Alors je vous évoque tout de suite ce qu'il raconte dans ces interviews. Si vous ne connaissez pas l'italien et si vous ne comprenez pas directement comme ça dans la langue, voilà, il raconte qu'il considère la musique et le métier de musicien, si c'est un métier, mais plutôt comme une mission, c'est-à-dire celle de transmettre la musique, celle de transmettre une culture, et en l'occurrence celle du jazz, et qu'il a voulu faire cet album en hommage notamment à deux artistes qu'il a vus dans sa tendre jeunesse en concert et qui lui ont donné le déclic du jazz. C'était Count Basie et Ella Fitzgerald qui tournaient ensemble et qu'il a vu en concert à Milan, donc certainement à la fin des années 70. Voilà, il note, il cite aussi comme influence Benny Goodman, le clarinettiste, au jeu très jazz swing. Voilà, il n'y a pas d'autre dans cette interview dont vous allez entendre des toutes petites bribes. Il n'y a pas d'évocation d'autres pianistes. Il ne semble pas être particulièrement influencé par d'autres pianistes, et il n'évoque pas non plus, parce qu'on pourrait penser que Kind of solo piano, c'était un petit clin d'œil à Kind of Blue de Miles Davis, mais non, on ne parle pas de Miles Davis. C'est vraiment un pianiste au jeu très particulier. Et donc on va écouter ce qu'on appelle cette EPK, c'est-à-dire une petite présentation musicale, enfin largement musicale, avec quelques bribes d'interview. C'est donc ce Making of de Kind of solo piano de Antonio Farao qu'on va écouter tout de suite. Quando scrivo un brano non seguo nessuna regola, ecco, trovo molta ispirazione dal mio passato, dalla mia adolescenza o infanzia. Ma penso che la musica sia comunque collegata allo spirito, quindi per me è molto importante avere questo collegamento, perché comunque sono molto credente spirituale, soprattutto per me la musica è una missione. Penso che sia fondamentale per ogni musicista. Io sono cresciuto ascoltando Benny Goodman, Count Basie, grazie ai miei genitori, e ho avuto anche l'occasione di assistere a un concerto incredibile con la big band di Count Basie e Ella Fitzgerald al Teatro Lirico di Milano. Avevo 6 anni. C'était une présentation de cet album Kind of solo piano de Antonio Faraò avec des petits bouts d'interview, mais ça vous a quand même bien donné le goût de son jeu de piano qu'on le retrouve sur tout cet album qui sort là ces jours-ci sur son propre label d'ailleurs. Il a maintenant son propre label, ce pianiste. Et puisqu'on n'avait qu'un petit bout d'album à faire écouter, je suis remonté un petit peu dans sa discographie et on va écouter un extrait d'un ancien album donc d'Antonio Faraò, un album qui date déjà de l'année 2000, qui était sorti sur le label Blue Note. À l'époque, il jouait beaucoup en trio avec Drew Gress à la basse et Jack DeJohnette à la batterie, puisque on rend une petite série d'hommages à Jack DeJohnette à la suite de son décès la semaine dernière. Voilà une occasion de le retrouver. Il est bien présent sur cet album-là. Alors ce trio de base est rejoint sur cet album par Chris Potter au saxophone. Chris Potter qu'on a eu l'occasion d'écouter régulièrement sur cette antenne et dans cette émission au fil du temps. Donc cet album d'Antonio Faraò, c'est vraiment une de ces petites pépites d'albums auxquelles on ne pense jamais quand on parle de jazz en général. Et pourtant, c'est un album absolument splendide qui, je crois, n'est même plus édité actuellement, si ce n'est au Japon. Malheureusement, parce que vous allez le voir avec le morceau justement qui donne son titre à l'album, le titre Thorn, c'est vraiment l'épine en français. C'est vraiment un très beau, un très très bel album et un très bel ensemble que Chris Potter porte encore un peu plus avec son sax. C'est un très très beau trio et ça sera voilà une manière de rendre hommage à Jack DeJohnette qui est décédé la semaine dernière. Antonio Faraò, Thorn, en l'an 2000, extrait de l'album du même nom. C'était Antonio Farao en compagnie de Chris Potter au sax, Drew Grace à la basse et Jack DeJohnette, donc pour un petit hommage au grand Jack DeJohnette. En 2000, c'était extrait de l'album Thorn de Antonio Farao et ça jouait. C'était vraiment très très bien. Alors puisqu'on est dans les batteurs, et bien on va continuer autour de l'actualité avec un autre batteur. Il s'agit d'Al Foster. Al Foster qui est malheureusement décédé l'année dernière, mais qui avait eu le temps, quelques temps auparavant, d'enregistrer un live dans le club Smoke aux États-Unis. Donc ça s'appelle Live at Smoke, c'est original. Al Foster donc a enregistré ce live à l'occasion de ses 82 ans en février 2024 et il est malheureusement mort à la fin du mois de mai de la même année. Mais il n'était aucunement diminué lors de ce concert trois mois auparavant, puisque vous allez pouvoir le constater, ça joue et ça joue sacrément bien. Il est accompagné, tiens, d'un certain saxophoniste qui s'appelle aussi Chris Potter, et ben oui, c'est le même, donc qui a joué avec beaucoup de monde. Il y a carrément Brad Meldo au piano, donc du beau monde également, et Joe Martin à la basse. Donc Al Foster, lui, tient la batterie. Et franchement, quand on entend son jeu, on ne croirait pas qu'il a 82 ans au moment où il enregistre ça, donc directement en live. Le morceau s'appelle Unrequited. Ça sort donc sur ce Live at Smoke, Al Foster. Ça sort ces jours-ci. Et franchement, c'est du bonheur. Thank you. Et voilà, c'était Al Foster, extrait de cet album posthume, Live at Smoke, qui sort ces jours-ci. Al Foster, mort en mai 2024, et qui avait enregistré cet album en février 2024, trois mois seulement, en compagnie de Chris Potter, Brad Meldo et Joe Martin, une sorte de all-star band en quatuor, vraiment exceptionnel. On va passer maintenant au morceau final, pour finir de rendre hommage à Jack DeJohnette, non sans vous remercier encore une fois de nous avoir suivis sur cette émission, mais ne décrochez pas parce que derrière il y a encore une heure de jazz et de groove pour vous accompagner. Merci à Vincent d'avoir fait la technique encore avec brio de cette émission, et puis on se retrouve la semaine prochaine avec plutôt de la nouveauté côté français cette fois-ci. Là on a fait plutôt côté américain, la semaine prochaine ça sera plutôt côté français. Vous pouvez aussi nous donner vos petits avis sur l'émission, sur Instagram Osé Jazz ou sur Facebook Osé Jazz à tous les étages. On est toujours curieux d'avoir vos retours sur les émissions, c'est toujours bien agréable de pouvoir vous lire. On finit donc avec cette petite hommage à Jack DeJohnette sur une superbe tournée qui avait lieu en 1990. Mon Dieu, pourquoi ne suis-je pas allé voir cette tournée en 1990? Mais qu'est-ce que je pouvais bien faire à ce moment-là? Pat Metheny à la guitare, Herbie Hancock au clavier, Dave Holland à la contrebasse et Jack DeJohnette à la batterie. Et ils se faisaient vraiment plaisir à jouer des standards et quelques-unes de leurs compositions. Le morceau qu'ils jouent là pour terminer cette émission, c'est Solar de Miles Davis. Et le morceau est très long, je sais pas si on pourra aller jusqu'au bout, mais ça serait bien parce qu'il y a un petit solo de batterie à la fin par Jack DeJohnette qui est assez impressionnant. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment à chaque solo, il adapte son jeu de batterie d'abord à Pat Metheny, ensuite à Herbie Hancock, ensuite à Dave Holland. À chaque fois, il change un petit peu de style. C'est vraiment tout à fait étonnant. Je vous laisse donc en compagnie de Pat Metheny, Herbie Hancock, Dave Holland, Jack DeJohnette. L'album, c'est un album en public, donc de 1990, live 1990, et s'appelle Parallel Realities, et le morceau s'appelle Solar. Voilà, à la semaine prochaine, et très belle soirée, très belle semaine à vous. Thank you. Thank you.